Les productions du bois vous présentent en exclusivité James Voice. En exclusivité et pour la première fois en France, découvrez le nouveau spectacle de James Voice. James Voice, l'imitateur aux multiples talents. James Voice, ses imitations toujours plus surprenantes les unes que les autres. James Voice, il vous fera quelque chose en imitant la limace et l'escargot qui font de la maçonnerie. James Voice, découvrez le taquin dans cette reprise d'un sketch de Chevalier Las Palès par De Carpe. James Voice, l'imitateur le plus précis du monde entier. Il imite à la perfection Aimé Bonaparte. Bonjour, je suis Aimé Bonaparte. Sigmund Réal. Mais qu'est-ce que je fais là ? James Voice, l'imitateur qui vous emmènera au bout de la surprise. James Voice, une exclusivité des productions Dubois.